Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'émission Au fond près du radiateur 106.3 fréquence Paris pluriel. On est tous de retour après une longue pause estivale. Il y a Mouloud qui est là. Bonsoir tout le monde. Robinson. Salut à tous. Raphaël. Bonsoir. Et un invité surprise qui est Arnaud du mouvement No Border. Bonsoir. Et on a aussi Tom à la technique qui est de retour parmi nous. Salut, salut. Et du coup, Raphaël qui va nous faire une petite intro et nous remercier tous et tout pour les vacances, tout ça, et les retrouvailles et tout. Bah voilà, franchement, merci d'être avec nous pour une nouvelle saison. Je sais pas quoi dire, mais déjà, c'est quoi cette radio que vous écoutez en ce moment, 106.3 FM? Donc voilà, Fréquence Paris Pluriel, c'est une radio libre. Donc c'est-à-dire, nous, on n'a pas de publicité ici. Donc voilà, on donne la parole à ceux qui ne l'ont pas ailleurs. On est indépendant dans le sens où voilà, le fait de ne pas avoir de publicité, ça nous empêche, on peut dire ce qu'on veut, on a une liberté de parole totale, on n'a pas peur de tout d'un coup se faire couper les fonds par un tel ou un tel parce qu'on a dit du mal de lui. Donc voilà, c'est un peu le principe de cette radio. Vous pouvez retrouver de nombreuses émissions musicales. Et comment dire, tous les animateurs sont bénévoles aussi, donc voilà, vous avez 90 émissions sur cette antenne, donc on vous invite, voilà, vous pouvez aller sur le site de FPP, rfpp.net, pour trouver toute la grille des programmes, tous les descriptifs des émissions, vous allez trouver votre bonheur. Donc voilà, de nombreuses émissions musicales, des émissions culturelles aussi, vous avez des émissions qui vont donner la parole aux communautés immigrées, donc t'auras des ou des émissions culturelles comme ça, ou qui seront en français et dans une autre langue, dans la langue du pays. Vous allez avoir beaucoup d'émissions reggae, dancehall, rap, et puis nous, voilà, ça sera plus des émissions sociales et politiques. Donc nous, c'est au fond près du radiateur. Donc comment dire, ça fait à peu près 10 ans que ça dure. Donc on a commencé par parler au fond près du radiateur. Pourquoi ? Bah, ça parlait des mouvements lycéens, étudiants. Un peu en freestyle, voilà, on disait ce qu'on avait à dire toutes les semaines, une fois par semaine, et puis maintenant voilà, les sujets sont un peu diversifiés. On vous invite à aller sur notre site, comme ça vous pouvez voir un peu tous les sujets. En tout cas voilà, ça fait plaisir, si tout le monde veut dire un mot ou quoi, ça fait plaisir d'être avec vous ce soir. Et puis je sais pas qui c'est qui veut rajouter quelque chose. Moi, ou quoi pour cette année, en fait, parce qu'on est nombreux à être ici, du coup pour une fois on est au moins 5 de l'émission à être présent sur place, et ça fait chaud au cœur. Hein, Tom ? Bonjour, moi c'est toujours un plaisir de revenir après un an d'absence. C'est toujours. Parce que ça fait longtemps qu'on t'a pas vu en fait, et du coup on est trop content. Ouais, il est là. J'ai un bon copain à moi qui est là ce soir, qui est Arnaud, qui vient de Calais et tout ça et tout et tout, et qui fait des choses pas mal et très bien. Et donc voilà, cette émission aussi, on vous invite à nous envoyer des infos. C'est une émission un peu participative, quoi. On relaie toutes les infos que vous allez nous donner. C'est un outil un peu pour les gens qui luttent, qui sont debout, qui ont la tête haute et tout ça, pour les gens qui galèrent ou quoi, pour expliquer ce qui se passe. Vous avez libre antenne un peu au fond près du radiateur, quoi. Et en fait, j'imagine que tout le monde a Internet. Du coup, que ça soit sur Facebook ou sur le site de notre émission, faut pas hésiter à envoyer des textes, des enregistrements audio ou même des vidéos qui vous ont plu ou que vous avez monté ou quoi, et que vous voulez que l'info soit retransmise. On essaiera de faire au mieux ou de vous contacter pour venir vous-même les présenter et autres. Je crois que c'est bien aussi de rappeler que ça fait plus de 10 ans qu'on existe, cette émission, et c'est pas mal. C'est-à-dire que c'est toujours un travail et c'est toujours un pari de pouvoir continuer. Parce qu'évidemment, il y a toute une série de données personnelles, collectives, qui ne sont pas évidents. Donc on essaye de faire vivre cette émission avec les moyens qu'on a. Et je pense que c'est bien aussi d'avoir une réactivité, évidemment, par rapport à ce que vous en pensez aussi, de ce que nous faisons, et de pouvoir vous inscrire. C'est un lieu du possible, voilà, on pourrait dire ça. Et à vous aussi, quelque part, le droit à la parole, voilà. Donc voilà, comme on l'a dit, n'hésitez pas, envoyez-nous vos informations, envoyez-nous des insultes, envoyez-nous des compliments, enfin voilà, un peu ce que vous pensez de cette émission, quoi. Du coup, bah, là, ce soir, mardi 13 septembre 2016, de quoi on va parler ? Principalement, bah, on sera avec Arnaud du mouvement No Burner pour parler, toi tu es calaisien, donc pour parler un peu de ton ressenti sur la ville où tu as grandi, comment on parle de cette ville un peu dans les médias d'une certaine manière, en France, qui a la construction de, d'un problème migratoire. Et du coup, un peu tout ce que tu as à en dire, que là-bas aussi, les gens ne se laissent pas faire, qu'il y a beaucoup de gens qui luttent et tout ça. Et d'un côté comme de l'autre, quoi. Il y a aussi plein de fachos qui essaient de se ramener et de, d'instrumentaliser la misère des gens là-bas, quoi. Et je sais pas si tu veux nous dire un petit mot et tout, pourquoi tu es là, de quoi on va parler et tout, quoi. Oui, c'est toujours compliqué de parler de Calais, parce que c'est un sujet qui est grave et aussi qui est vaste. Et du coup, ça dépend vraiment de l'angle qui est utilisé. Mais donc c'est un peu parler, je pense, de ce que j'y ai vécu, en grande partie en y ayant fait mes études. Et aussi, je pense ce que ça m'a apporté et comment je vois la situation maintenant, un peu avec un peu plus de recul peut-être. Et voilà, quoi, en gros, parler un peu d'un ressenti sur une ville, quoi. Ouais, franchement, merci d'être avec nous ce soir, Arnaud. Pas de quoi. Et du coup, merci d'être avec nous dans Au fond près du radiateur. Et puis, on aura aussi plusieurs chroniques. Mouloud et Moustapha, je vous laisse en parler un peu pour faire le sommaire vite fait de quoi vous allez parler, notamment toutes les histoires qu'il y a eu cet été, suite aux attentats qu'il y a pu y avoir à Nice ou à Saint-Étienne-du-Rouvray. Du coup, il y a eu toute une instrumentalisation islamophobe encore qui s'est tournée autour des femmes musulmanes et notamment du burkini. Donc nous, on avait 2-3 trucs à dire par rapport à ça. Donc on a fait effectivement une chronique sur ça. Je trouve que c'est pas mal de faire le point. Et je sais pas, Moustapha. Oui, enfin, chronique, tout ça, tous ces noms-là. C'est un grand mot. Hein. Voilà, c'est des grands noms. Parce qu'en fait, on cherche encore, notre place par rapport à l'émission, tout ça. Complètement. Moi, je suis tout nouveau, vous savez tous. Et je pense que c'est un grand mot parce que ça, encore une fois, je pense que à la fois, c'est, si on parle de chronique sur ce thème-là, c'est parce qu'il nous semblait important de donner une coloration, d'essayer peut-être de prendre du recul ou même de réagir à chaud, ce qui est important des fois, et aussi de se positionner ou pas, d'ailleurs, il n'y a pas d'obligation aussi, et de comprendre le contexte. Et si on essayait aussi de comprendre ce contexte, encore une fois, nous sommes aussi une émission dans un cadre de médias. Il nous semblait important aussi d'évoquer ça, puisque une partie de cette information passe par des médias ultra présents. Et voilà. Ouais, je suis d'accord avec Mouloud. Et qui plus est, pour moi, c'est juste des petits coups de colère par rapport à des faits qui se sont passés. Là, en l'occurrence, comme c'est la rentrée de l'émission, donc c'est une chronique de rentrée, donc elle a traité un petit peu en vrac de tout, en fait. De choses qui m'ont touché personnellement ou que j'ai retenu en fait, et des petits coups de colère comme ça, que ça soit moi ou Mouloud et d'autres aussi de l'émission qui vont ou le faire ou pas le faire, on n'en a aucune idée. Après, je suis vraiment très très content qu'Arnaud soit là, parce que c'est quelqu'un qui connaît bien Calais, connaît bien le mouvement, tout ça, et je suis content aussi d'être avec vous tous. Quand je parle tous, je parle pas de ceux de l'émission, hein. Ceux de l'émission, je m'en fous à la limite. Je parle de vous qui nous écoutez et tout ça. Faut pas hésiter à faire tourner l'émission, à en parler. Quand quelque chose vous plaît pas, faut pas hésiter à le dire. Quand quelque chose vous plaît, vous pouvez le dire aussi. Et voilà, à tout à l'heure. Au fond près du radiateur, @no-log.org, vous pouvez nous envoyer toutes les infos. Ou alors nous suivre sur Facebook, Au fond près du radiateur. Et le dernier sujet de cette émission, du coup, on va parler de la manif du 15. Donc le 15 septembre, jeudi prochain, dans 2 jours. Donc, grosse manif contre la loi travail. Donc, faire travailler tout le monde plus, payer moins. Donc, faire travailler un peu tout le monde comme des esclaves la nuit, beaucoup moins de sécurité et par rapport aux accidents du travail ou des choses comme ça, moins de possibilités d'aller au prud'homme. Donc, en gros, augmenter l'exploitation que chacun peut connaître à son travail. Et du coup, donc, on va parler de la manif du 15. Et nous, on a beaucoup suivi aussi le mouvement qui a eu lieu pendant 4 mois avant les vacances. Donc, on continuera à en parler. Et tout de suite, on va aussi s'écouter un peu de musique. Et parce qu'on kiffe passer de la musique aussi dans cette émission. Donc, Tom nous a préparé une petite playlist. Donc, on s'écoute ça. Au fond, près du radiateur, 106.3 FM. In my hands and then check some. them are no ending. Why have them going empty? No pop, no style. Us strictly roots. No pop, no style. Us strictly roots. See me on the road, I ain't a call out to me. See me in my pants and tea. See me in my altar back. Send me give a heart attack. Give me little bass with my wine up my waist. Uptown top ranking. See me in my Benz and tip. Daddy true constant spring. Them chicks say we come from Cosmo Spring. But the truth then I know and tip. Radiateur 106.3 FM tous les mardis soirs 19h-20h30. Et là, c'est Robinson au micro. Je vous ai préparé un petit agenda alternatif, plutôt sur la région parisienne. Donc demain, on commence avec... on a toute la filière de la santé qui a appelé à la grève par la Coordination Nationale Infirmière, la CNI. Ils veulent notamment des réponses de la part de la ministre Marisol Touraine quant à la vague de suicides qui a touché les personnels cet été. Et puis leurs revendications sont plus que légitimes, hein, avec le renforcement des effectifs correspondant à la charge de travail quotidienne, une évolution et une reconnaissance des compétences des infirmières de santé au travail, et puis la mise en place de cellules d'écoute et de prévention de risques psychosociaux. Autrement dit, pour éviter des suicides. Donc il y a un rassemblement demain à Martigues à 11h sur le rond-point de l'Hôtel de Ville. Et puis un peu partout en France, voilà, pour tous les personnels de santé. Et à Paris, ça sera où le rassemblement, t'as dit ? J'ai pas eu d'infos d'Hémosphère, non, rien vis-à-vis de Paris. Donc d'Hémosphère, c'est le site où t'as trouvé ouais, les infos et tout. Il n'y a pas eu, voilà, sinon je l'aurais évidemment dit. Mais okay. Bon, Marty, on a peut-être des auditeurs qui sont en train d'écouter. Et puis, demain également, à partir de 18h, voilà, concernant la Nuit Debout, il y a la rentrée de Nuit Debout. C'est quoi Nuit Debout pour nos auditeurs ? C'est un mouvement citoyen qui tient place sur les places des hôtels de ville ou places des républiques de différentes villes en France. Voilà, pour parler des questions démocratiques, de citoyenneté, etc., et qui est né avec la loi travail vers le fin mars, début avril, et qui a plutôt bien repris, hein, la rentrée a plutôt bien repris sur la place de la République à Paris. Je ne sais pas si vous y êtes allé récemment. Toi, t'es passé et toi ? Non, j'y suis pas repassé, mais voilà, j'ai eu des échos et apparemment ça cartonne. Mais toi, Raphaël, non, rien ? Non, je t'avoue, mais faut est-ce que je voulais dire ? En fait, on avait invité des gens qui parlaient de Nuit Debout, qui faisaient partie aussi de l'organisation de Nuit Debout, tout ça, qui se revendiquent comme citoyennes, patati patata, démocratie et tout ça. Mm-hmm. Et tout. Et qui est en fait le petit enfant du mélange des indignés, des manifs qu'il y a eu avant et tout ça, et qui se retrouvait là à Nuit Debout, mais qui a quand même contaminé pas mal de gens, parce qu'il y a aussi une dimension militante et politique, où des gens d'autres villes, notamment dans des syndicats et autres, ont organisé des Nuits Debout également, et sur fond de lutte sociale, en fait, par rapport à la loi travail et tout ça. Ça a repris il y a quelques temps. Il y a eu première nuit de reprise, c'était une soirée avec de la musique, salsa, tout ça, et tout, et le lendemain avec des débats qui étaient organisés, etc. Du coup, pour faire une opinion, vaut mieux y aller, jeter un coup d'œil, écouter, voir et regarder ce qu'il y a à prendre ou à laisser. Oui, n'hésitez. Oui, Raphaël. Place de la République, c'est ça ? À Paris, voilà. Ouais. Et je crois qu'il y en a eu en banlieue, au Blanc-Ménil aussi, il y en a eu. Ouais, ouais. Et puis là, il y a la rentrée justement à Marne-la-Vallée demain, située Dalle du Champy, station RER, Noisy-Champs, et puis un peu partout en France, Grenoble, Toulouse, Lille. Voilà, et puis on a demain soir, vous avez également à Nuit Debout, donc Place de la République, de 19h à 22h, Syrie Debout, portant sur la lutte du peuple syrien pour bâtir une société libre, démocratique et laïque. Et ce jeudi, 18h, après la manifestation contre la loi travail, on invite tout le monde à rejoindre cette manifestation nationale. À 18h, l'AG Interpro, Interlutte, comme toujours, Place de la République, à 18h. Voilà pour ce petit agenda des deux prochaines journées. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres... Tom, peut-être ? Voilà, alors moi, je voulais juste rajouter une petite information. Du coup, ça commence demain, c'est au Théâtre de Belleville. C'est une pièce qui s'appelle « Le maniement des larmes ». Et alors, c'est un garçon qui s'appelle Nicolas Lambert, qui est le metteur en scène, qui a fait une trilogie qui s'appelle « La démocratie », qui est en trois volets, du coup, comme l'indique son nom de trilogie. Le premier, c'est le « Maniement des larmes », du coup, qui traite de l'affaire Karachi, voilà, les fonds de campagne de M. Nicolas Sarkozy. Un deuxième, qui s'appelle « Un avenir radieux » sur toute l'histoire du nucléaire en France, qui sont, voilà, des bons produits du terroir. Ainsi que le pétrole, du coup la troisième pièce qui s'appelle Elf Pompe Afrique. Je vous le recommande, ça commence voilà, le 14 septembre, du coup demain, au Théâtre de Belleville. Et c'est fortement recommandé, on essaiera d'en parler un petit peu plus pendant les prochaines émissions. Et du coup Tom, est-ce que tu peux nous donner à peu près les dates pour chaque pièce en fait ? Là j'imagine que le 14 septembre c'est le maniement des larmes et après ? Voilà, ce qui va se passer, c'est du 14 septembre au 4 décembre. Du coup, vous avez 3 mois pour aller la voir. C'est le maniement des larmes. Ça joue du mercredi au dimanche à 21h15. Et ensuite, c'est à partir du 4 décembre jusqu'au 30 décembre où il y aura en alternance un avenir radieux et Elf Pompe Afrique. Et ça sera les mêmes horaires, du mercredi au dimanche également. Bah, super. Du coup, on va se repasser un petit peu de musique ou quoi ? Et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc voilà, ce soir, c'est l'émission Au fond près du radiateur. Vous nous retrouvez tous les mardis de 19h à 20h30. Et tout de suite après la pause, on parlera de la situation à Calais avec un habitant de là-bas. Bonne écoute. Living for, baby, don't turn me away. faces all around me. Your love is slipping from sight. You're taking my life from me, leaving me the shadows of night. You know I love you so. Please don't tell me to go. Don't tell me away. Please hear what I say. Baby, don't turn me away. Baby, please. Baby, don't. Baby, don't. Vous êtes de retour dans l'émission Au fond, près du radiateur sur 106.3 FM, fréquence Paris pluriel. Alors voilà, juste pour rappeler qu'on a un site internet, c'est le www.aufondprèsduradiateur.fr pour écouter toutes nos anciennes émissions. Une adresse mail, c'est aufondprèsduradiateur@no-log.org, tout en attaché, tout en minuscules. Et même les réseaux sociaux, Facebook, Au fond près du radiateur. Juste pour faire un petit point sur les musiques qu'on vient d'écouter, c'était Altea et Donna dans un premier temps, c'était Uptown Top. Et le deuxième qu'on vient de s'écouter, c'était Gladys Knight, Turn Me Around. Et tout de suite, je vous laisse la parole pour parler de Calais. Oui, rebonsoir à tous et à toutes. Voilà, bah, du coup, on va enchaîner tout de suite avec Arnaud, qui habite Calais, qui est né à Calais en fait, qui a vécu dans le Pas-de-Calais pendant toute son enfance, son adolescence, et qui a débuté sa vie d'adulte, donc, et de monsieur à Calais même. Tu fais partie du mouvement No Border, il me semble ? Oui, c'est ça. Tu peux nous expliquer à peu près c'est quoi le mouvement, comment il est né, comment il s'est revendiqué, est-ce que c'est plus un réseau ou un collectif ? Est-ce que, et puis de ce que nous disent les médias en général, à chaque fois qu'il y a un blocage d'autoroute, par exemple, on nous dit c'est les No Border, il n'y a pas autre ouais. chose, comme si les migrants étaient ouais. incapables de penser. Ouais, peut-être je vais revenir sur ma présentation. Du coup, bah, c'est ce que Moussa dit, effectivement. Donc, je suis calaisien, je suis né à Calais. J'y ai pas grandi, j'y suis retourné pour la période du lycée. Et c'est là que j'ai un peu découvert ce qui se passait dans cette ville. C'est-à-dire qu'avant, j'avais des vagues souvenirs, en fait, en tant qu'enfant. C'était des ombres qui se baladaient un peu dans la ville. Et je me suis sensibilisé à la question quand je suis rentré en seconde, en fait, parce que j'étais invité à une réunion... Avec des assos, et comme j'étais conseiller municipal jeune dans mon village, j'étais invité à un forum à Calais. Il y avait la question de, en fait, qui traitait du continent africain, qui ne parlait pas du tout des migrants à la base. Et en fait, il y a eu une intervention de quelqu'un qui travaille pour Salam, donc c'est une association un peu historique à Calais qui vient en aide aux migrants. Et du coup, on n'a pas du tout parlé de l'Afrique, mais beaucoup plus de ce qui se passait dans la ville avec les migrants. Et en fait, un soir, en sortant du lycée, bah, j'ai décidé d'aller pousser la porte de cet asso, un peu de découvrir ce que c'était. Donc, j'ai d'abord milité pendant plusieurs années avec Salam, et j'ai vite fait le tour, de manière très personnelle, dans le sens où bah, ça ne me suffisait plus. C'est-à-dire que oui, c'est important de donner à manger aux personnes en fait, qui sont présentes à Calais, mais... En même temps, c'est un peu mettre un pansement sur une jambe de bois et que ça règle rien en fait à la situation. Du coup, je me suis un peu rendu compte de ça au fil des années et j'ai décidé de faire un peu en freelance. Donc, j'allais sur les camps avec ma petite sœur distribuer ce que je trouvais ou ce que j'arrivais à gratter à droite à gauche. Et bah, c'est là que commence plus mon histoire avec No Border. Du coup, c'est que donc ça, c'était vers 2008 jusque 2008. Et du coup, en 2008, il y a eu une des gens qui ont décidé d'organiser un camp No Border à Calais. Donc c'est là c'est de là que date ma première rencontre avec ce réseau. Donc maintenant, concrètement, c'est quoi No Border ? Donc No Border, c'est un mouvement européen qui milite pour l'abolition des frontières, la liberté de circulation, la liberté d'installation et la fermeture instantanée de tous les centres de rétention. Donc voilà, donc moi j'ai débarqué un peu là-dedans par hasard, juste parce que j'étais curieux, c'est des problématiques qui m'intéressaient. Et j'ai découvert tout un univers, une manière aussi de travailler ou de militer que je ne retrouvais pas en fait à Calais jusqu'à ce jour, quoi. Et du coup, voilà comment j'ai atterri là-dedans. Donc, j'ai atterri dans le camp. Donc en fait, le mouvement No Border s'identifie aussi par le fait de créer des camps éphémères qui, du coup, sont présents sur des espaces importants de, enfin, des politiques migratoires, donc en Grèce ou en Italie ou à Calais. Donc en 2009, c'était à Calais, et avec aussi une manière de faire qui est différente. Donc dans le sens où tu fais pas pour les migrants en fait, mais tu fais avec eux. Du coup, tu essayes de les inclure un peu dans la lutte. Parce que ce n'est pas seulement ta lutte et aussi tes questions politiques, mais c'est aussi la rencontre avec des personnes qui n'ont pas tes privilèges, en fait, et qui ont leur manière de lutter. Et c'est un peu la conjugaison des deux. Donc voilà ce que je peux en dire. Mais du coup, en fait, il y a un nom qui est déposé, Mouvement Border, qui est reconnu, entendu de partout. Tu me dis que c'est un mouvement à vocation internationale, en fait. C'est internationaliste. Ouais. Peut-être pour ça aussi l'anglicisme, No Border et tout ça. Mais du coup, en fait, j'imagine qu'il y avait plusieurs pratiques d'aide aux migrants qui étaient faites dans le mouvement de solidarité. Ouais, c'est exact. J'imagine qu'il y en avait une qui prédominait sur l'autre pour que toi ou d'autres soyez déçus et essayez de chercher autre chose et de rejoindre un autre mouvement ou un truc comme ça. Ouais. J'imagine qu'avant que le mouvement No Border soit né, il y avait des gens ou des groupes de gens qui avaient des pratiques similaires aux pratiques actuelles ou pas. Similaire, je pense pas. Je pense que c'était une autre manière d'aborder le problème. Enfin, d'ailleurs, qui est pas vraiment un problème, mais en tout cas, qui voyait, qui trouvait des réponses différentes de ce qu'on trouve dans No Border. Donc, avec une approche qui est beaucoup plus humanitaire et axée sur l'aide matérielle ou axée sur la demande d'asile en France. Et nous, c'est pas. En fait, c'est l'une des premières fois que le mouvement No Border a décidé de rester sur un endroit. Donc, normalement, ça dure une semaine. Après, on repart dans la nature et on fait un camp un an plus tard ailleurs. Donc, là, la décision a été prise de louer un office et de rester sur le terrain. Et du coup, de voir c'était quoi les réels besoins des migrants. Et je pense que ça, c'était assez nouveau en fait sur le territoire, parce qu'effectivement il y a les besoins matériels, mais il y a plein d'autres choses, donc dans le sens où à un moment il faut aussi aider les différentes communautés à porter leur propre voix. Et je pense que c'était un peu la place qu'on essayait de trouver au début, et c'était vraiment absent pour le coup sur Calais et sur le Calaisie. Et voilà. Alors, je ne sais pas si je réponds à ta question. Non, du tout. Mais en fait, du coup, juste pour prendre un raccourci, que ça te revienne en mémoire un petit peu, la pratique No Border, c'est quoi? Est-ce que c'est la pratique traditionnelle qu'il y avait, par exemple, j'ai vu de mes yeux, il y a une dizaine, quinzaine, vingtaine d'années, où genre, tu avais des solidaires qui étaient là, mais qui déposaient les manifs, qui établissaient une stratégie, qui étaient à l'avant ou qui étaient mis en avant, en fait, et dont certains n'envisageait que l'angle humanitaire, comme tu le soulignais avec l'association Salam, qui apparemment fait que un angle humanitaire en distribuant des repas, si j'ai bien compris, éventuellement du confort matériel comme sac de couchage ou brosse à dents, et qui ne suffisent pas ou qui n'établissaient pas. Et du coup, No Border, c'est quoi la pratique? C'est genre des solidaires par rapport à des migrants qui établissent eux-mêmes leur stratégie et autres, ou c'est la même chose que les autres, avec juste une marque déposée, ou comment vous vous positionnez en fait par rapport aux luttes des migrants, ou par rapport à la libre circulation des personnes? Je pense que ça a vachement changé. Donc le réseau No Border est présent à Calais depuis 2009. Et je pense que les moyens qu'on s'est donnés ont vachement évolué en fonction aussi des demandes en fait, des différentes communautés qui étaient présentes à Calais. Donc, c'est-à-dire qu'en 2009, par exemple, les demandes étaient complètement différentes de maintenant, parce que la politique en fait était complètement différente, dans le sens où en 2009 par exemple tu pouvais pas te balader dans la rue en tant que migrant sans te faire emmerder par la police ou te faire arrêter et te faire envoyer en centre de rétention. Et du coup il y a eu toute cette période au début dans No Border, du coup d'aider les gens à trouver des logements. Donc c'était une grosse période d'ouverture de squats. Mais on s'est rendu compte qu'à Calais en fait c'est pas un instrument qui suffit, dans le sens où il n'y a pas d'inviolabilité du domicile. Donc tu ouvres un bâtiment, mais en fait la police débarquait toutes les nuits et juste matraquait les gars et les gazait et juste les arrêtait, les humiliait. Et ça, c'était une pratique mais vraiment quotidienne quoi, de la part des autorités et des forces de l'ordre. Et du coup, très vite, on a ouvert des squats, mais on a aussi mis en place du coup ce qu'on appelle les morning watch ou les patrouilles. Donc c'est-à-dire, en fait, on se levait tous les matins à 6h du matin, on arrivait sur le squat. Et dès que la police arrivait, il y avait un système de caméras. Donc on filmait les interventions de la police et aussi un système de sifflet. Donc dans le sens où la police arrivait et le but, c'était qu'un maximum de personnes puissent s'échapper et ne soient pas raflés en fait par la police. Et du coup, ça, ça a marché pendant pas mal de temps. Et en fait, vu qu'on est un mouvement international, la police, à un moment, s'est rendu compte que les images, on avait du mal à les faire sortir dans les médias ou même dans les médias alternatifs. Et du coup, on avait juste un gros stock d'images, mais qui ne nous servait à rien, en fait, parce qu'on ne les médiatisait pas. Et du coup, là, il y a eu une approche qui était assez nouvelle aussi dans le mouvement No Border. C'était une approche beaucoup plus légaliste. Et du coup, on a compilé les dossiers, on a invité les journalistes à venir. Donc c'était, à l'époque, c'était Rue 89 et les Inrecultibles. Et on a déposé la première saisine au fraîchement nommé défenseur des droits, qui était Dominique Baudis à l'époque. Donc, et ça, c'était complètement nouveau. Et c'était son premier dossier à traiter en tant que défenseur des droits. Et tout ça, ça a changé en fait dans le temps, parce que ça dépendait aussi des demandes, différentes demandes des migrants. Mais ça, c'était pendant quelques années, on a fait ça. Après, on s'est plus orienté sur, par exemple, les personnes qu'on qualifiait ou qu'on essayait de qualifier ensemble de vulnérables, donc les femmes et les enfants. Donc ça, ça aussi, parce que ça a changé. Au début, il n'y avait pas beaucoup de femmes quand No Border est arrivé. Et quelques années plus tard, il y a eu beaucoup plus de femmes migrantes en fait qu'avant. Donc du coup, ça suit un peu nos outils de lutte, toutes nos manières de lutter dépendent un peu aussi des demandes et de comment la situation évolue, quoi. En sachant que du coup, on essaie de s'adapter au mieux à ce que nos politiques savent mettre en place en termes de répression, quoi, par rapport aux migrants. Et notamment, vous avez un site qui s'appelle Calais Migrant Solidarity, où vous avez compilé... il y a eu beaucoup de vidéos qui sont visibles sur ce site-là. Et du coup, vous avez pu mettre en lumière ce que c'est le quotidien des migrants à Calais. Donc c'est pas d'accès au logement, pas d'accès aux soins, parce que souvent, ils sont relégués en dehors du centre-ville, donc ils doivent habiter très loin des hôpitaux ou des choses comme ça. Et des violences policières qui sont quotidiennes. Et voilà, c'était un peu tout le travail que vous avez fait, c'était de mettre en lumière cette réalité aussi, quoi. Ouais. Et ça, c'est un truc aussi qui a vachement changé par rapport à avant, c'est que effectivement, avant, il y avait un travail d'invisibilisation, en fait. Donc, les autorités voulaient rendre invisibles les migrants. Et du coup, paradoxalement, on en revient. Mais en gros, c'était effectivement les chasser du centre-ville, donc les laisser en fait aller plus dans la banlieue ou dans les jungles, ce qu'on appelle en fait les jungles, qui vient pourquoi ce mot, ça vient du pachtou en fait, ça veut dire bois, parce que les gens squattaient les bois aux alentours. Effectivement, du coup, la police faisait un peu ce qu'ils voulaient, quoi, dans ces endroits. Et du coup, nous, notre boulot, c'était de ramener, ce qui nous paraissait important à l'époque, c'était de ramener les gens en centre-ville et de montrer en fait qu'ils pouvaient vivre avec les Calaisiens, les natifs calaisiens, en fait, et que ça pouvait se passer très bien, quoi. Et du coup, effectivement, bon, cette grosse période de squat, au début, effectivement, il y avait des centres de police, et au fil du temps, on a quand même, avec notamment, je pense que le rapport du défenseur des droits a aidé, ça a ouvert une brèche un peu dans le sens où, effectivement, on a pu faire les premières procédures légales pour les squats, donc où on avait des procès, quoi. Et je pense que ça, c'était vrai jusqu'il y a 2 ans, dans le sens où, il y a 2 ans, par exemple, il y a eu 2 ans, 2 ans et demi, il y a eu... C'est-à-dire qu'avant, ils expulsaient les squats de manière illégale, ils s'en fichaient, maintenant, ils respectent la loi, entre guillemets. Ils se sont mis plus ou moins à respecter la loi. D'accord. En sachant que... Ils respectent les droits un peu plus les droits des habitants, quoi. On a eu, je pense, une espèce de fenêtre, effectivement, où ils se sentaient sous pression, ils se sentaient observés par des gens extérieurs à Calais, en fait. Et du coup, ils savaient un peu qu'ils marchaient sur des œufs, que c'était un peu délicat pour eux. Et ça nous a permis, en fait, effectivement, d'enfin avoir des procédures. Après, le but des procédures, c'était juste, en vérité, c'était pas une fin en soi, mais c'était le but, c'était juste de gagner du temps et que les gens aient un espèce de répit, en fait, en attendant de pouvoir passer en Angleterre et se reposer et avoir un endroit où la police ne peut pas venir, en fait, pour les harceler, parce que c'est aussi l'une des cartes à Calais, c'est que le jeu auquel ils jouent, c'est tout simplement dégoûter les migrants, les taper, les marquer physiquement, en fait, pour qu'ils demandent le retour volontaire, en fait, et qu'ils rentrent gentiment dans leur pays sans faire chier, quoi. Et qu'il y avait cette grosse répression qui s'abattait sur les migrants, où effectivement, là, tu essayais de broyer de l'humain, quoi, de la part des forces de l'ordre. Et Ça pour dire que du coup ça nous amène à peu près à il y a 2 ans où du coup les migrants eux-mêmes ont décidé de squatter le lieu de distribution. Donc c'est le lieu où les associations distribuent à manger. Et là les migrants ont décidé d'y vivre en fait tout simplement. Donc il y a eu plusieurs tentatives d'expulsion et une grosse expulsion où ils ont raflé 800 personnes d'un coup et les envoyé un peu partout en France. Et du coup, et là, c'était la première fois qu'il y avait une réponse aussi forte du coup de nos borders, mais aussi des autres associations. Parce qu'on essaye aussi, même si on n'est pas d'accord avec toutes les autres associations sur comment elles fonctionnent, on essaye de travailler ensemble. Et la réponse, c'était d'ouvrir le plus gros squat jamais ouvert à Calais, donc qui faisait 16 000 mètres carrés. Et ça, je pense que aussi quelque part, ça a participé au fait que ça ne pouvait pas durer comme ça et qu'il fallait qu'ils trouvent une réponse. Et c'est ce qu'ils ont un peu fait. Donc la maire a enfin autorisé, en gros, la jungle. Tu vois, la jungle actuelle maintenant, c'est la maire de Calais qui a demandé aux migrants en fait d'aller là-bas, quoi. Ok. Oui, c'est ça. Donc je propose, on va faire juste une petite pause musicale, on va s'écouter un peu de musique et on reviendra tout de suite après avec toi Arnaud qui nous parle de Calais, c'est l'émission Au fond près du radiateur. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM, Radio Libre, gardez l'écoute. Inside. Rebonsoir, et oui, Mustapha avec vous dans l'émission Au fond près du radiateur, 106.3, fréquence Paris pluriel. Et toujours en compagnie de Tom à la technique, de Robinson, Mouloud et Raph, l'équipe d'animation, et en compagnie de Arnaud du mouvement No Border et de Calais. Et je voulais revenir. De s'écouter le son qu'on a écouté, c'était Sharon Jones and the Dap Kings, et c'était This Lane is Your Lane. Merci Raph pour la précision. Et du coup, je voulais revoir avec toi, enfin, on voulait tous revoir avec toi par rapport à Calais. Tout ça. Moi, ce qui m'intéresse en fait, et j'aimerais bien que tu nous rafraîchisses un petit peu la mémoire, c'est est-ce que Calais a connu des populations migrantes à destination de l'Angleterre ou juste pour la France ou le nord de l'Europe continuellement dans son histoire sur Calais ou pas du tout? C'est quelque chose de nouveau qui apparaît il y a 15 ans, 20 ans ou 30 ans. Quel type de population? J'imagine elle doit changer suivant les périodes. À mon avis, pendant la guerre d'Afghanistan, il peut y avoir beaucoup d'Afghans. Avec ce qui s'est passé en Libye et au Soudan, tout ça, il doit y avoir beaucoup de Libyens ou de Soudanais. Ce qui se passe en Syrie également, j'imagine qu'il y a des mouvements de population différents. Ouais. Que Calais a connu dans son histoire une empreinte d'immigration différente, peut-être des autres régions. Des populations migratoires aussi différentes. C'est une région aussi qui a perdu beaucoup dans son économie, qui a perdu pas mal d'emplois, qui est assez sinistrée, avec une espèce de dualité, de conflit plus ou moins tacite et consensuel entre le port de Calais et ses ferries. Et entre le tunnel sous la Moche, qui était une espèce de prouesse technologique à l'époque, et qui apparemment ne rapporte rien au niveau économique et ne rapporte rien au niveau de l'emploi. Du coup, tu peux nous en parler ? Ouais. Oula, je vais essayer de répondre à tout ça. Alors, bon, bah ouais, Calais. Je pense en fait que Calais a toujours connu des migrants, quoi, parce que. En fait, par définition, Calais, c'est un port, et un port, c'est fait pour accueillir des voyageurs, en fait, ou des personnes qui sont en transit. Après, c'est notre question qu'ils aient des papiers ou pas. Mais en tout cas, effectivement, en tant que port, c'est normal d'avoir des voyageurs qui veulent se rendre dans un autre pays. Et je pense que Calais a toujours connu ça. Donc, je pense qu'avant, c'était différent. Mais effectivement, il y a eu des vagues, par exemple, de Jamaïcains à une époque, mais qui se rendaient beaucoup plus facilement en Angleterre que maintenant, en fait, parce que la frontière était différente. Et que, effectivement, aussi, les différentes communautés de migrants changent en fonction des conflits un peu dans le monde, dans le sens où. Calais, c'est quand même un sacré miroir, en fait, de ce qui se passe dans ce monde, quoi. Et du coup, effectivement, peut-être on peut revenir jusque l'époque de Sangat. Donc, c'était un centre d'accueil donc, qui a été ouvert, alors ça a été ouvert en 99, il me semble, et fermé par Nicolas Sarkozy en 2002. Et après ça, il y a eu toute une époque où les gens squattaient un peu les jardins publics, dans Calais, donc les parcs, en fait, tout simplement. Il y a eu des occupations d'églises aussi faites par ce qu'on appelait, du coup, à l'époque, c'était une grosse majorité de Kosovars. Donc, c'était par rapport au conflit dans les Balkans. Et effectivement, tout ça, ça change en fonction des conflits qu'il y a dans le monde. Donc là, actuellement, il y a beaucoup plus, effectivement, de Syriens, ce qui n'était pas le cas encore il y a quelques années. Il y a des Soudanais aussi, des Érythréens, des Afghans, des Albanais aussi, des Vietnamiens, des Iraniens, des Kurdes d'un peu chaque pays. Et je pense que j'en oublie un paquet, mais il y a quand même pas mal de grosses communautés comme ça, quoi. C'est beaucoup des gens qui fuient des conflits où des armées occidentales sont impliquées, notamment, quoi. Ouais. Il y a aussi, je sais pas si je les ai cités, mais les Érythréens et Éthiopiens. Et effectivement, ouais, c'est des gens qui fuient des zones de conflit, mais pas que, en vérité. Et je pense que il y a aussi un peu c'est un peu justice, quoi, dans le sens où c'est aussi pas mal de communautés qui en fait c'est des anciennes colonies de l'Angleterre, en fait, et que les gens trouvent ça assez normal, en fait, d'aller tout simplement demander l'asile en Angleterre, parce que c'est quand même un pays qui est venu foutre la merde dans les pays concernés, et que ils trouvent ça aussi assez juste, en fait, tout simplement de pouvoir aller vivre où ils le souhaitent, quoi. Et notamment pour rappeler aussi qu'il y a de nombreuses entreprises d'armement donc, qui vendent les armes, les bombes qui bombardent ces pays-là, qui se mettent à investir actuellement dans les systèmes de sécurité pour sécuriser les frontières aussi. Donc double profit, quoi. Tu vends les bombes qui foutent la merde chez les gens, et après donc, tu refais de la thune pour empêcher les gens de fuir les pays que tu as détruits par ton commerce, quoi. Oui, bien sûr. De toute façon, c'est l'un des gros problèmes de la frontière, c'est que c'est un sacré business pour des multinationales et en fait, qui se font du beurre en fait sur tout simplement des êtres humains quoi, qui crèvent en chemin, que ce soit dans le Sahara ou en Méditerranée ou même à Calais quoi, où on a un record de morts depuis là 2 ans quoi, qui augmente à chaque fois qu'ils sécurisent la frontière. En fait, le nombre de morts augmente quoi. Voilà. Moi, Calais, il y a aussi... Bon, t'as déjà le côté de la pauvreté de la ville. Moi, quand j'y étais, en fait, franchement, pour une bouchée de pain, t'achètes des maisons ou t'achètes des petits immeubles, mais vraiment pour une bouchée de pain, pour une misère, quoi. C'est même accessible à un smicard, à la limite, à quelqu'un au RSA pour certains trucs que j'ai vus. Du coup, j'imagine qu'il y a une extrême pauvreté ou appauvrissement de la population qui ouais. est en toile de fond, en fait, et qui peut peut-être créer un antagonisme entre la population locale et les migrants, si on apprend qu'ils reçoivent des aides ou qu'ils sont hébergés ou quoi que ce soit. Après, il y a une autre image qui me choque dans Calais et qui me rappelle plutôt le Maroc, en fait, et l'espèce de centre de rétention ou de bidonville qui sont construits à la périphérie des ports francs espagnols qui sont installés sur la côte marocaine, comme Ceuta ou Melilla. Et ça me rappelle un petit peu ça, où on passe de l'argent, en fait, on achète des États, on leur donne de la thune pour genre bloquer des réfugiés ou des migrants, comme ça se passe en Turquie actuellement, comme le Liban l'a fait depuis... de décennies, ou le Pakistan également. Et du coup, la France, en fait, elle se retrouve dans la position de pays qui ont été anciennement colonisés et exactement dans le même état de servitude et de complaisance envers un autre gouvernement étranger qui leur impose des conditions et un petit peu de thunes à l'appui. Oui. Alors du coup, pour revenir sur Calais, donc pour répondre à la deuxième partie de ta question que tu avais déjà formulée tout à l'heure, que je n'avais pas encore répondu, effectivement, Calais, c'est il y a quelques années, c'était la 5e ville la plus pauvre de France, avec un taux de chômage record sur certaines zones. Et ça s'explique par tout simplement l'industrie de la dentelle qui s'est effondrée, qui était très importante sur Calais à une époque et qui s'est complètement effondrée ces dernières décennies. Et effectivement, Calais, c'est une population très pauvre et qui connaît beaucoup de problématiques. Et ça, c'est un peu, l'intelligence de nos politiques, c'est de réussir, là, actuellement, à faire s'opposer deux populations, en fait, qui, quelque part, pourraient s'apporter beaucoup en termes de lutte contre ce système, quoi. Et effectivement, constamment, à Calais, on essaye un peu d'opposer les migrants à la population locale. Et ça se voit, ça s'est vu là notamment, et ça s'est accéléré ces dernières années, notamment avec l'appel à la délation de Natacha Bouchard, là, il y a quelques... Alors, je ne me rappelle plus c'était quand, mais c'était... La maire de Calais, ouais. Ouais, la maire de Calais, ouais, qui a tout simplement, face à la problématique des squats en centre-ville, a créé une adresse mail où les gens pouvaient venir faire de la délation en disant « Ah, il y a un squat qui s'est installé à côté de chez moi, nanana ». Et ça, effectivement, ça a un peu décomplexé l'extrême droite qui était assez silencieuse sur, du coup, sur cette thématique et est devenue mais complètement décomplexée parce qu'ils se sentaient un peu légitimes dans le sens où la maire de Calais se le permet. Alors pourquoi nous, on ne se le permettrait pas, quoi. Il y a eu un peu ce délire-là où ils ont commencé à s'afficher et à organiser des ratonnades, à caillasser les squats. Et ça, c'était assez nouveau. Et à nouveau, c'était vraiment opposer la population migrante à la population calaisienne, quoi. Et pour moi, tout ça, c'est de la connerie monumentale, quoi. C'est juste, on sait pas, cette ville, on n'arrive pas à lui retrouver un renouveau économique. Et du coup, on focalise un peu tout le monde sur le problème des migrants, qui n'en est pas un, en fait. C'est juste des gens qui veulent se rendre quelque part et qui n'ont pas juste le bon bout de papier, quoi. Et ça, je pense que c'est un peu là la réalité actuelle de ce territoire, quoi. Donc, je ne sais pas si à nouveau je réponds à ta question. Non, tu réponds en partie à la question, il n'y a pas de problème. Peut-être que Robinson ou Mouloud voulait rebondir. Deux choses. Tu as été conseiller municipal quand ? C'était en 2007. Avant que tu commences à... Ouais. Ouais. C'était un peu mes premiers engagements. Parce que je voulais savoir du coup quel était le regard et puis ton point de vue de la municipalité, des pouvoirs publics là-dessus, s'il y avait déjà des actions mauvaises ou bonnes prises à l'époque, je sais pas. Ouais, moi à l'époque où j'ai un peu connu le monde des migrants sur Calais, c'était complètement différent, quoi, dans le sens où c'était une municipalité communiste, quoi, et qu'on est passé du jour au lendemain à une municipalité de droite, voire d'extrême droite, en fait. Et je pense que en vérité la position, enfin après ça, Ça, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Mais moi, comment je le ressens, c'est que bah, le Parti communiste, il faisait rien, en fait. Tu vois, il faisait rien du tout pour les migrants. Et parce que, je pense, c'était un gouvernement de droite. Et du coup, il disait, mais en fait, c'est pas notre problème. C'est le problème du gouvernement, quoi. Et du coup, nous, on veut pas gérer ça. Et on renvoie un peu le bébé, quoi. Et c'est un peu ce qui s'est passé pendant très longtemps. Après... Natacha Bouchard, quand elle a été élue, elle a eu une position différente. Et je pense qu'elle, clairement, a voulu faire la chasse aux migrants très vite, quoi, avec à l'appui Sarkozy et toute la clique. Quoi. Il y avait Besson, je crois, aussi à l'époque, en 2009. Ça, c'était. Et là, ça pose un peu, du coup, on commence à parler des positions des pouvoirs publics. Mais je voulais te demander un peu qu'est-ce que c'était l'actualité à Calais. Donc on voyait que y a, comme les gens n'ont pas d'endroit où se loger, donc ils sont regroupés dans ce qu'on a appelé les jungles. Au passage, je voulais rappeler qu'il y avait une étude qui a montré que énormément de logements sociaux à Calais sont vides et qu'il y a énormément de logements vides là-bas. Donc d'un côté, quand tu es en galère de logement et qu'il y a plein de logements vides, j'ai envie de dire que squatter, si on ne fait rien pour toi, ça devient légitime. Et je voulais juste dire ça au passage. Et en fait, ce que je voulais te poser comme question, c'est comment les pouvoirs publics se mettent à faire toute une gestion des flux migratoires. Actuellement, ils essaient de détruire la jungle. Donc il y a eu un camp qui a été construit, on a mis des containers, donc on veut loger des êtres humains dans des containers qui servent pour les marchandises du port en plus, donc le double symbolique, quoi, et avec l'entrée très contrôlée, donc prise d'empreintes systématique, les gens ultra fichés. Et là, dernièrement, tu disais qu'il y avait un mur de 4 mètres de haut qui était en train d'être construit et que, donc, le démantèlement des camps, on essaie de déporter les gens aux quatre coins de la France dans des centres d'accueil et d'orientation, donc des CAO, ce qu'on appelle CAO. C'est ça. Donc, tu peux nous donner un peu l'actualité de cette politique migratoire, quoi, comment ça se passe pour les gens, qu'est-ce que ça veut dire pour les gens, tout ça, quoi. Tout ça sur toile de fond, en fait, avec le procès, en fait, entre l'État et la jungle. Ouais. Pour le démantèlement des commerces qu'il y avait dedans. Ouais, et après l'annonce de Cazeneuve aussi, de demander au préfet de préparer 12 000 places prochainement, sur fond d'élections présidentielles bientôt, qui vont s'enchaîner. Ouais, mais alors du coup, donc c'est aussi. Calais, c'est aussi ça en fait, c'est qu'à un moment, tout simplement, d'abord on crée le problème et après on a la prétention de vouloir le résoudre. Et du coup, c'est un peu ce qui s'est passé et qu'avant on avait affaire plus à la municipalité ou politique locale, et ça a repris en fait, parce que ça avait déjà pris avec Sangatte une dimension nationale, et là effectivement depuis Cazeneuve, ça a repris cette dimension nationale en fait. Et donc là, leur plan, après que Natacha Bouchard ait donné un terrain pour que les migrants soient tolérés en périphérie de la ville, donc la jungle s'est construite, ils ont détruit donc la moitié déjà là il y a 6 mois, je pense, un peu plus de 6 mois. Et donc là, ils veulent s'attaquer à la deuxième partie, en sachant que sur la deuxième partie, il y a à peu près 9000 personnes qui y vivent. Donc ça, c'est même en dehors du cap. Donc ils ont construit effectivement les boîtes, les conteneurs, qui est d'ailleurs, c'était une entreprise bretonne, qui est à sa tête, c'est des anciens des renseignements de l'armée française. Ça s'appelle comment l'entreprise, tu sais? Je sais plus, mais je crois que ça se trouve assez facilement sur Internet. Il y a des fichiers qui sont en train d'être faits, des documents sur justement les entreprises qui collaborent au système frontalier en fait, et au business frontalier, que ce soit dans la gestion des centres de rétention, la construction des centres de rétention, mais aussi la construction et la gestion de ce genre de camps, quoi. Et après, il y a un truc aussi qui est important à savoir, c'est que Calais, c'est un peu le laboratoire, en fait, en termes de politique de répression contre les migrants, quoi, et qu'ils expérimentent toujours des nouvelles techniques. D'ailleurs, des techniques qu'on retrouve aujourd'hui un peu dans toutes les manifs, quoi. Et c'est des trucs qui ont vachement été expérimentés sur Calais, quoi. Parce que, de toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'un migrant aille porter plainte si tu fais ça, ça, ça, et que c'est un peu un gros laboratoire maintenant. Alors, tu peux donner des exemples un peu ? Bah, je pense là par exemple, ils utilisent des nouveaux projectiles, donc qui s'adaptent soit pour le flashball ou le lanceur de grenade lacrymo, et c'est des projectiles qu'on n'avait jamais vu avant, par exemple, tu vois, et là qui commencent à apparaître à Calais et qui seront certainement réutilisés bientôt dans d'autres cadres, quoi. Donc ça, c'est juste un exemple très précis. Alors après, pour parler du mur, donc ça c'est leur dernière invention contre. Ouais, parce que tout à l'heure tu me posais la question aussi, c'est quoi concrètement une frontière? En fait, une frontière, c'est un monstre, quoi. C'est un monstre qui, en fait, quelque part qui vit, quoi, dans le sens où. Ce que je veux dire par là, c'est tu as la frontière en tant que telle, donc avec les dispositifs de sécurité, donc ça, les chiens qui sentent en fait les gens comme un être humain en fait peut respirer, tu as les caméras comme des yeux en fait, tu as une espèce de monstre en fait qui juste empêche des humains de passer de l'autre côté, quoi. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois de manière imagée, mais qui propage un peu ses tentacules un peu partout dans la ville, que tu retrouves la frontière, tu la retrouves pas juste au checkpoint, en fait, tu la retrouves partout dans la ville, dans le sens où, si t'es migrant, tu peux pas aller dans les cafés, en fait, tout simplement parce que t'es identifié comme tel et t'as vraiment une apartheid qui s'est mise en place, en fait, et t'es migrant, t'es rejeté complètement de la vie de la ville. Et donc là, on en est à un point où ils veulent construire, effectivement, donc un mur de 4 mètres de haut sur 1 km, donc ça sera 500 mètres d'un côté, 500 mètres de l'autre, et donc qui est en fait le nouveau-né des derniers accords franco-britanniques, donc à hauteur de 17 millions. Et dans ces 17 millions, l'Angleterre donne exactement, je crois c'est 2,3 millions pour construire un mur de pour construire un mur d'un kilomètre. Ouais, donc juste, ils vont encore à nouveau déplacer le problème, quoi. Où exactement il est situé, dans le port ou au niveau des... Oui, c'est ça, ce sera au niveau des accès au port, parce que en fait, à force de sécuriser la frontière, les gens s'adaptent à ce qu'est devenu la frontière, et du coup, effectivement, avant, tu voyais pas... C'est pas les migrants qui sont devenus plus violents, tu vois. On peut regarder dans les médias mainstream des attaques de l'autoroute, tout ça, les routiers qui gueulent. Mais en vérité, c'est attaque juste... De l'autoroute, c'est pas attaque de l'autoroute, c'est les gens essayent de monter dans les camions très nombreux, ils sont pas en train de détruire l'autoroute, les médias disent attaque de l'autoroute, mais en réalité, c'est les gens qui s'organisent de manière assez nombreuse pour monter dans les camions qui sont des seuls moyens de passer la frontière. En fait, ils bloquent concrètement le flux de circulation de l'autoroute. Et ils essayent de monter sur des camions. Oui, c'est pas fait, des attaques de bandits de grand chemin sur des trains de marchandises. Quoi. Non, à nouveau, ça c'est un truc. C'est une nouvelle technique en fait utilisée par les migrants, parce qu'en fait on les a juste forcés à utiliser une nouvelle technique et que effectivement c'est plus spectaculaire qu'avant. Avant, il y avait beaucoup plus de migrants qui essayaient dans les camions sur les parkings la nuit. Maintenant, ils sécurisent les parkings avec des compagnies de CRS et du coup les gens essayent par différents moyens. Et donc notamment aller sur l'autoroute et monter directement dans les camions. Et voilà, donc là, le nouveau dispositif, c'est de construire le mur, donc qui sera, à mon avis, du coup, face à la jungle et sur la rocade portuaire, donc entre le port et la jungle, sur 500 mètres d'un côté, 500 mètres de l'autre, quoi. En sachant qu'ils n'auront jamais les moyens de construire plus, en fait, sauf s'ils rajoutent encore 15 millions pour construire 500 mètres, quoi. Mais c'est juste complètement ridicule. Ok, du coup, on va clôturer un peu sur ce sujet-là. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose pour terminer, que tu aurais oublié de dire en une minute ou deux. Non, c'est juste parce que, du coup, comme tu parlais là aussi de leur dernière approche, donc effectivement, il va y avoir destruction totale de la jungle, donc pas du camp d'accueil provisoire, donc les conteneurs, mais le reste. Et le reste, du coup, là, ils viennent de pondre, je crois, c'est sorti hier ou avant-hier, un plan, donc c'est le plan Cazeneuve, où en fait ils vont débloquer 12 000 places d'hébergement dans différentes régions de France, où les gens devront en gros s'y rendre, ils vont les inviter à s'y rendre en détruisant leur maison et en les forçant à aller dans des bus. Ça c'est la réalité, quoi. Dès maintenant, en fait, ils commencent à gazer par exemple tous les jours la jungle pour que ce soit tellement invivable que les gens en fait demandent des gaz lacrymogènes sur les habitations. Du coup, ce qui crée aussi un certain nombre de problèmes comme des départs d'incendie, comme des malaises et tout ce qui peut s'en suivre, en fait. Et aussi, effectivement, ça crée de la tension et les gens sont à cran et toutes ces conneries-là, en fait, tout simplement. Et donc là, effectivement, ils vont pondre ça. Je pense qu'ils disent qu'ils veulent réussir à démanteler la jungle d'ici la fin de l'année, en sachant que voilà, y a la présidentielle en ligne de mire, qu'ils ont vachement misé sur Calais, parce qu'on a eu je ne sais pas combien de visites des ministres, en fait, et ce qui était pas arrivé depuis longtemps, quoi. Et du coup, soit ils abandonnent et ils laissent pisser, soit tout simplement ils mettent le paquet et ils vont à fond dans la répression. Et je pense que ce n'est pas seulement en fait, demander aux... Enfin, déplacer les gens dans les CAO, centres d'accueil et d'orientation, c'est aussi, je pense, ça va s'accompagner, comme souvent, en fait, des tentatives d'expulsion, notamment vers le Soudan ou d'autres pays, quoi. Avec, notamment, c'est un peu ce qui est arrivé là en Italie, à la frontière Vintimille, où l'Italie commence à envoyer au Soudan, quoi, à créer des charters. Et je pense qu'il y a aussi tout ça qui va sûrement arriver là. Ouais. Voilà. Ok, et juste pour terminer, si tu as une adresse mail ou un site internet ou un Facebook ou quoi, où on peut trouver des informations, si les gens veulent continuer à se tenir au courant sur ce sujet. Ben, moi, ouais, j'invite les gens à aller sur le blog de Calais Migrant Solidarity, donc c'est ce que tu as cité tout à l'heure. Calais Migrant Solidarity, ouais. Ouais, c'est ça. Et donc il y aura, je pense, c'est pas toujours mis à jour, on essaie de le mettre à jour régulièrement, mais après ça dépend des gens... qui sont sur le terrain et des disponibilités, quoi. Voilà. Ok. Il y a passeur d'hospitalité aussi. Ouais, il y a aussi passeur d'hospitalité. D'information. Qui est une très bonne source pour suivre un peu ce qui se passe sur Calais. Ok. Bah, franchement, Arnaud, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir sur FPP 106.3 FM. Et t'es le bienvenu, tu reviens quand tu veux. Merci. Encore merci. On va se faire une petite pause musicale avant de terminer la dernière demi-heure de cette émission. Et donc voilà, gardez l'écoute, FPP 106.3 FM, c'est au fond près du radiateur. We'll be right back. Toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM, c'est au fond près du radiateur, comme tous les mardis soirs de 19h à 20h30. On vient d'écouter un son de Robert Malouf. Donc voilà, c'est le père de Ibrahim Malouf. Et Robert Malouf, c'est Tom qui nous a indiqué ça. C'est le gars, il a inventé la trompette à 4 pistons. Voilà, pour votre culture un petit peu et tout. Et du coup, c'est à toi, Mouloud et tout. On va passer à. Tu voulais un peu faire un genre de chronique. Oui, donc on a à toi la parole. De tenter de faire une chronique autour de ce que j'ai appelé Burkini. Donc voilà, point. Donc cette chronique, on pourrait la nommer le chronique de l'arbitraire, du fantasme, de la chasse à l'homme. Et un peu, on aurait pu commencer aussi par voilà, voilà, ça recommence. Ça recommence, ou encore douce France, cher pays de mon enfance. C'est le clin d'œil que Rachita avait fait à la Bastille, mais aussi un CD où il parlait déjà de tout ça. Donc le Burkini, c'est le feuilleton de cet été qui n'en finissait pas, vous l'avez, j'imagine, suivi, qui est donc le synonyme de la société KKK, évidemment, BBB, ou bleu, blanc, rouge, bière, baston, baise. Du port de Manuel Valls, du port de l'extrême gauche, une partie de cette extrême gauche, de cette droite classique, tous unis dans ce arabique bashing, un peu une autre manière de dire gay bashing, et bien là on dit arabic bashing. Ce Burkini, cette campagne de terreur ciblant bien des populations désignées comme musulmanes à vie. Un peu comme la cinquième colonne pour certains, ou une chose à chasser de nos frontières, en mode front de libération, canal historique du FLNC, ou assimiler ou à d'autres, il faudrait que cette population s'assimile. Donc tout ça réactive toutes les idéaux des années 30. Une chose est sûre, jamais on n'a mis au goût du jour le thème de la terreur, du sang, du droit à tuer et à assassiner, clin d'œil au titre d'Olivier Lecourt Grand Maison, du drapeau colonial, cher à Céline, à Jules Ferry, à Mitterrand, à Chirac. Voilà. Sous fond de cette campagne, on a bien compris, de la campagne antiterroriste, une société qui ne s'arrête pas, effectivement, de faire payer aux pauvres et aux plus précaires ce que la bourgeoisie ne veut plus payer, c'est-à-dire l'aide sociale, etc. D'une société qui s'enfonce de plus en plus au chômage et qui considère que les minima sociaux doivent être liquidés pour que la bourgeoisie continue à s'enrichir. Effectivement, derrière ça, j'ai mis un champ à questionner, car effectivement, derrière juste ce mot islam, voilà, on met un mot islam, c'est évidemment plein de questions qui sont posées au niveau des médias, de ce que ça veut dire le mot médiatisation, comment on médiatise, d'un champ qui pourrait être historique, philosophique, économique, sociologique, politique. Donc, quelles sont ces populations, quels sont leurs parcours, les lieux de vie. Et derrière ce souci, il y a toujours ce mot qui est un thème derrière tout ça, c'est l'injonction pour ces personnes, ou cette population, on ne sait plus si c'est une population ou une personne, à s'intégrer, à s'insérer. Hein, c'est une injonction. Pour agir, donc, il faut penser. Voilà, et je pense que c'est important. Il faut pouvoir... excusez-moi, parce que moi, pour la première fois, j'ai écrit cette chronique. Voilà, excusez-moi. Donc, je reviens pour... pour agir, il faut pouvoir effectivement poser quelque part un diagnostic, essayer d'être plus précis et de se questionner et ne pas être dans l'affect que et dans la réaction. Donc c'est une invitation à retourner la caméra sur ceux qui désignent un peu. Un des premiers constats, c'est peut-être essayer de donner vite fait un brossage rapide sur cette notion-là. Le constat, c'est que les 30 glorieuses, donc ce qu'on a appelé ces 30 glorieuses, étaient basées sur une prolétarisation massive et sur un système colonial. Exister, faire société à cette époque-là, passer par le travail, passer par la revendication sociale, passer par l'existence autour du travail. La fin des années de ces 30 glorieuses, c'est-à-dire les années 70, signifie un chômage massif à vie, ciblant particulièrement le prolétariat et ciblant dans ce prolétariat notamment des personnes issues de ce qu'on va appeler et ce qu'il va appeler l'immigration. Effectivement, la fin de ce travail à poser la question du devenir, du collectif, et de comment on peut se projeter. Sachant que la société est basée donc effectivement sur le travail, comme j'ai dit, et il ne s'agit pas pour moi de chanter effectivement le louange de la Marseillaise, être français si on veut parler de comme ça, c'est d'abord exister dans ce réel-là. Quand le FN ou Alain Finkielkraut ou d'autres philosophes racistes invoquent l'impossibilité pour ces populations à s'intégrer, ils renvoient à un modèle traditionnel et pas industriel. L'intégration, donc, renvoie à un partage de croyances, comme le fait que le roi et la reine existent, etc., etc. Il réactive donc cette idée que certaines couleurs de cheveux ou d'aspects culturels ne pourraient pas être intégrées dans ce modèle français. Derrière ceci, on cache effectivement le fait que le chômage est une réalité, etc., etc., et des questions sociales. C'est un discours, en fin de compte, qui réactive cette idée de guerre de civilisation, donc d'affirmer la prisme de la race, du respect de l'autorité du capital français, de la louange de ceci et de l'Église catholique. Derrière, donc, le français musulman est une manière extrêmement intelligente donc, de dire aujourd'hui le français musulman, comme on le voit aujourd'hui, comme une manière de dire les choses, est une manière extrêmement intelligente pour ne pas désigner l'impensé autour de la race et autour des questions coloniales. Car le français musulman a signifié un sous-statut à vie, considérant que l'Algérien, l'Africain, était des sous-races à éliminer ou à intégrer pendant un siècle et 30 ans. Et c'était un statut juridique, et c'est bien le point central. Donc c'est une réalité coloniale, et quand Alain Finkielkraut ou d'autres parlent de l'islam et de ses populations, c'est bien au nom de cette logique. Et je pense que c'est important. On parle donc de barbares, de bandes d'assassins, quand on parle de ces jeunes de cité. Alors si on voit les années 90, le monstre musulman s'est invité comme un remplaçant au terrorisme communisme. Derrière la libération qu'on a vue dans les années 90 du mur de Berlin se gâchait la guerre de civilisation chez Rabouch et Mitterrand. La liberté a signifié cette guerre qui a coûté la vie à des centaines de milliers de personnes et le retour au fait colonial et racial. Donc faire activer donc, la figure du monstre moderne, donc aujourd'hui on est dans ça, l'arabe, le jeune du cité, la femme voilée, permet de justifier les discours réactionnaires chers au bleu, blanc, rouge de la France de gauche. L'islam serait donc la seule religion la plus homophobe et la plus misogyne. Vous avez dit trouble à l'ordre public. C'est bien de rappeler un peu ce point et je reviens sur quelques aspects de ce qui s'est passé. L'histoire donc commence, par rapport au burkini, par deux couples qui se baignent en Corse et se retrouvent entourés par une dizaine de bonhommes qui entourent ce couple. Dans cette île, la Corse, il est donc normal d'écrire déjà depuis longtemps les Arabes à la mer, sale bougnoule, faire casser les mosquées et donc aussi de faire la chasse à l'homme. La seule réponse face à ça des maires, c'est de parler de troubles à l'ordre public pour ces deux couples. Jamais autant un racisme ordinaire ne s'est autant affirmé, soutenu par des maires racistes qui assimilent évidemment voile, islam, arabe, responsable de tous les attentats. Effectivement, là, les attentats sur ce territoire français, via Nice, ce sont toute cette population. Il n'y a plus de distinction. Les conséquences, c'est effectivement, vous avez pu voir, des médias qui nous parlent de 100, 200, 3000, je ne sais pas combien il y a de burkini. Là, on est vraiment dans le fantasme. On ne sait même plus compter. Donc, on peut remercier Caroline Fourès, la gauche, Arlette Laguiller, et de dire que, en fin de compte, ces femmes n'ont pas le droit de porter tel ou tel vêtement et de toute manière, leur parole ne peut pas être comptée. Derrière ceci, c'est une forme de laïcisation bien chauvine, racialiste. Le droit commun, le droit français ne peut pas s'appliquer. Il faut toujours donc de nouvelles lois. Ce qui est intéressant, c'est que le Conseil d'État a effectivement cassé les décisions de ses maires en disant deux choses. Un, qu'il n'y a jamais eu de trouble à l'ordre public. Depuis un mois et demi, eh bien, on désigne du doigt une population avec des propres fantasmes. Qu'est-ce que le trouble à l'ordre public ? Pour moi, c'est qu'il y a 15 bonhommes qui arrivent et qui vont faire la chasse à l'homme. Le trouble à l'ordre public, pour plein de maires, c'est le fait de voir deux personnes qui est désignées à la vindicte populaire et qui, par définition, sont des Arabes. Ça, c'est le fantasme racial. Autre aspect qui est intéressant, et ça c'est un clin d'œil à Caroline Fourès, effectivement, ce sont le droit de porter un habit quel qu'il soit, c'est un droit de la liberté française pour l'instant. Et ce sont bien des personnes de nationalité française, ou en tout cas des citoyens, des êtres humains, qui ont fait un choix de porter telle ou telle chose. Et ça, c'est le droit bourgeois. Avec cette idée de la laïcisation chauvinisme, on ne peut pas entendre les autres personnes, et surtout, on considère que nous avons une autorité sur ces gens-là à dire ce qui est le bien et ce qui est le mal en dehors du cadre normal. Donc c'est d'ailleurs le cadre, j'allais dire, de la logique du droit. C'est bien la notion de minoritaire qu'il faut penser et repenser, puisqu'effectivement Didier Ribon a travaillé sur ça, et d'autres personnes. Comment on devient minoritaire? Eh bien c'est au regard des autres. On n'est plus un sujet, on n'est rien d'autre qu'un groupe collectif désigné par l'invindicte populaire. Et c'est un peu comme les Noirs aux États-Unis dans les années 60, où à un moment donné, pour faire sujet, il a fallu dire « je » et s'affirmer. Et c'est toute cette question qui est posée aujourd'hui au travers du burkini, mais plus largement, c'est comment et de quelle manière on va intervenir, faire les choses dans une société qui clairement a choisi la discrimination raciale comme campagne sociale pour casser les gens. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut poser. Il nous faut des nouveaux Rosa Parks, il nous faut une nouvelle construction. Et c'est plutôt à ça qu'on essaye de faire, en tout cas de penser, et plus de subir. Voilà. Yes. Désolé, hein, si j'étais un peu non. Voilà. Pas de souci, on est toujours sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM. Et... Ouais, du coup, Mouloud parlait du burkini. Voilà. Tu as basé ton texte sur le burkini. Voilà. Un burkini ou un bikini ou un monokini, il n'y a que du kini en fait, c'est un mot valise. Vous savez, c'est quoi une valise? Une valise en fait, c'est un objet, c'est un contenant qui peut avoir du contenu ou pas, qui peut être petit ou grand. Et un mot valise en fait, c'est un mot qui peut être petit ou grand, qui peut avoir du contenu ou pas. Mais c'est un contenant. Et là, le contenant, il est plutôt sans contenu. Donc on arrive à burkini. C'est une styliste. C'est la styliste Zanetti qui nous a pondu le burkini. On aurait dû dire plutôt le gelbabtini, parce qu'il correspond plus au gelbab qu'à la burqa. En effet, la burqa, c'est quelque chose qui recouvre intégralement l'entièreté du corps, dont le visage. Le gelbab, non. Et du coup, ce burkini que nous a pondu la styliste internationale Zanetti est considéré comme un outil militant et communautariste de provocation politique suivant Jean-Luc Mélenchon. On imagine très bien, effectivement, il y a une grosse communauté musulmane qui est unie, soudés et qui s'ingénient tous les jours à avoir des outils politiques de provocation et à les mettre dans les pattes des hommes politiques. On a aussi Marine. Marine, elle est triste. Bah oui, ce vêtement est une atteinte à la laïcité, qui est le discours récurrent depuis 10 ans du FN. Le FN a quitté le vêtement du christianisme catholique, de Jeanne d'Arc et tout ça, et a revêtu la laïcité. Changement très radical. Et qui porte aussi atteinte à l'âme de la France, dit-elle. Quelle âme? L'âme gauloise, qui s'est fait asservir par les Francs pendant 5 ou 6 ou 7 ou 8 ou 9 ou 10 siècles en France, celle des esclaves, ou l'âme franque ou française? Ou quelle France? Celle qui a génocidé plus d'un quart de la population algérienne de 1830 à 1870? Celle qui, quand elle a signé l'armistice à la Seconde Guerre mondiale, s'est ingéniée à raser et à tuer la population de villages entiers en Algérie? Je ne sais pas de quelle âme elle parle. Mais bref, Valls, pour lui, la polémique, c'est que Marianne a le sein dévoilé. Et comme elle a le sein dévoilé, le burkini est une atteinte à la droiture, à la République, à la laïcité que représente Marianne au sein nu. Sauf que, erreur, Marianne a tour à tour été dénudée au niveau du sein, voilée par pudeur au niveau du sein, que ce soit par la droite ou par la gauche, dans une bataille de sémantique et d'allégorie. Mais bref, quand on voit tous les commentaires et tout le camaïeu de commentaires qui a eu lieu parmi toute la classe politique de ces élus, maires, députés, sénateurs et autres de notre très chère et belle République, on s'est aperçu qu'il y avait deux camps. Les exaspérés du burkini, pour qui on ne doit pas l'interdire quand même, mais on est tout de même exaspérés. Et les autres exaspérés du burkini, qui sont très exaspérés, mais pour qui il faut l'interdire. Eh ben, on n'est pas sortis de l'auberge. Car si même les stylistes de renommée internationale arrivent à créer des polémiques sociales et cruciales dans notre beau pays qu'est la France, notre âme, notre histoire, sentent le danger du sarrasin tapis dans l'ombre, prêt à gorger le très tolérant et épris de paix et de justice républicaine que sont la Française et les Français. Nos élus, ayant perdu la main sur les décisions économiques et institutionnelles face à l'Europe, au patronat, aux banques, aux diktats américains si impérialistes et si colonialistes, mais qu'on dénonce si peu, la France, elle, arbore fièrement le drapeau culturel de l'âme française et républicaine, à la laïcité si juste et si doucereuse, jaillissant à travers des lois, des règlements, mettant dans un cadre très strict la relation de la pudeur que peut avoir une citoyenne ou un citoyen envers son corps. Un corps qui lui sert à rien, car de toute manière, habillé ou pas, autant être à poil, car la Française et le Français n'ont plus de fric. Et je vous rappelle que la pudeur tue. Vous vous rappelez, cet été, au mois de juillet, fin juillet, début août, toute l'émulation qui a eu lieu par rapport au meurtre de Adama. Et oui, par pudeur, on n'appelle pas ça des violences policières. C'est autre chose. Ça n'est pas une violence policière. Et qui plus est, par pudeur, il a été tué par des policiers qui étaient en burkini, un burkini bleu, qui recouvre intégralement les cheveux, la tête, le corps, le torse, jusqu'aux chevilles, au moins, à minima. Mais on se dit qu'ils avaient sûrement des chaussures. Bref, avec tout ça, on n'est vraiment pas sorti de l'auberge. La France si chrétienne dans son âme et si laïque, Adama, qui est mort, paix à son âme, on en arrive à la fête de l'humanité. La pudeur, une nouvelle voix, s'est invitée par trois nudistes, au sein nu, drapés dans leur militantisme communautariste qui a fait polémique pendant tout un week-end. Et oui, c'est très important. À la fête de l'Houma, il y a des nudistes. C'est quelque chose de assez choquant pour ma part. Enfin, je pense, je ne sais pas. Bref, la fête de l'Houma, où vous trouvez des stands de Falcon et d'Assaut, bordel. C'est la fête de l'humanité. Je vous rappelle le slogan de cette année à la fête de l'Houma, si on refait le monde pour 25€ les 3 jours. Donc pour 25€ les 3 jours, tu refais le monde et en plus c'est chouette. Tu le refais avec des marchands d'armes. On peut tout casser. On détruit tout et on recommence. C'est cool, non ? Trouvez pas ? Bref, la fête de l'Houma, c'est quand même des bals populaires, des repas populaires, des prix d'entrée populaires, 25€ les 3 jours. Des stands dont le prix au mètre carré rivalise avec le prix au mètre carré de la capitale française qui est Paris. Le 16e à côté, c'est moins cher. Investissez à la fête de l'Houma, si vous spéculez, c'est mieux. Bref. On n'oublie pas que la fête de l'humanité, c'est aussi la ressource la plus importante du PC. Il ne faut surtout pas l'oublier. Et là, ça a été réussi comme toutes les années, en fait. Un grand succès. Sous état d'urgence. Et avec pudeur. Et toujours avec pudeur, on a une manif qui s'annonce après-demain. La manif du 15, elle aussi, elle est très, très pudique. On n'entend pas trop parler. Ah oui, cet été, c'était les cigales, c'était les vacances. Les pauvres, en été, ils sont pas pauvres. Ils sont riches. C'est quand on revient septembre qu'on redevient pauvre. Les travailleurs n'ont pas de problème en été. Ils ne l'ont que entre septembre et juin, évidemment. Sans oublier la future trêve qui arrivera très bientôt, qui est la trêve d'Halloween, bien sûr, avec les commémorations du 11 novembre, qui a clôturé les guerres entre les grands empires coloniaux et permis à ce que les empires coloniaux de l'Ouest ramassent le pactole sur les empires coloniaux de l'Est. Mais bref, tout ça, c'est du passé. C'est une manif qui sera là pour montrer aux nantis et à ceux qui ont le pouvoir que les travailleurs sont dans la rue. Et aussi tous les millions de pauvres de France qui, unis, crieront que les indigents de la République sont en colère. En effet, on est indigents. On veut manger comme les riches, on veut consommer comme les riches, on veut tout faire comme les riches. Mais on ne peut pas parce qu'on est indigents. Indigents de cette République. Ça me fait penser aux indigènes de la République aussi. Qui, si vous vous rappelez, à une période où le Figaro avait surnommé Saint-Denis Mohambec sur Seine. Il y a eu un iftar populaire pendant le mois de Ramadan qui a été organisé. C'est marrant. C'est un iftar organisé par les indigènes de la République. Bah oui, hein. On sait que c'est des athées, mais c'est pas grave. Ils sont racisés. Ils ont des têtes de bougnoules. On dirait des Arabes. Donc ça passe. C'est des Ouria, Youssouf, Mohamed, tout ça, c'est bon, quoi. Bah oui. C'est comme des hétéros, quoi. Quand on insulte la communauté gay, par exemple, c'est les hétéros qui organisent une gay populaire. Parce qu'une gay party populaire, c'est cool quand c'est des hétéros. Quand c'est des gays, c'est pas trop cool, quoi. C'est comme quand on a vu tout à l'heure à Calais, je veux dire. C'est les no-borders qui bloquent les autoroutes. Parce que les migrants, bah, c'est des petits enfants. Ils sont pas assez intelligents. C'est comme les musulmans, ils sont cons. Bah oui, on a vu, c'est une communauté unie, organisée et tout ça. En fait, tout le monde est con dans l'histoire. Donc là, on a des athées racisés qui font un iftar populaire. Du coup, tout le monde a été blousé. C'est pas des blous yeux bleus, c'est des bruns à la pommade. Ils sont sûrement musulmans, hein. Ils s'appellent Mohamed ou Youssouf, je sais pas quoi, là, tu vois. Ça doit être des musulmans. Mais c'est pas grave, c'est une grosse bourre pour moi quand même. Parce que ça serait des blonds aux yeux bleus athées, bah, je crois qu'on l'aura craché dans la gueule. Bref, à bientôt et peut-être à une autre fois. Yes, c'était toujours au fond près du radiateur sur 106.3 FM. Donc on arrive à la fin de cette émission. Nous, on vous le rappelle, c'est tous les mardis 19h à 20h30. Donc avant de passer l'antenne à l'émission Dooboot qui va être juste après nous, sur cette antenne FPP 106.3 FM, juste pour dire donc, voilà, un petit mot sur la manif de jeudi. Donc, vous le savez, il y a eu un mouvement pendant 4 mois avant l'été, jusqu'en juillet, par rapport à la loi travail. Pour rappeler rapidement, c'est quoi la loi travail ? En gros, soi-disant, les patrons font des pleurnicheries, des choses comme ça, pour dire qu'ils ont des difficultés économiques, que le contexte économique est très dur. Donc, en gros, la variable d'ajustement, ça doit être les salariés. Ils veulent nous faire travailler plus longtemps, avec des horaires beaucoup plus flexibles. Donc, le temps de travail qui serait calculé sur plusieurs années. Donc, une semaine, on te fait travailler 50 heures. L'autre, on ne te fait pas du tout travailler. Et tout ça, payer beaucoup moins. Donc, en gros, ils veulent faire travailler tout le monde plus longtemps, payer moins. Donc, c'était juste pour rappeler ce mouvement jeudi, et notamment dans les lycées, il y a un appel pour la reprise du mouvement toute cette semaine. Donc notamment, vous pouvez voir la page Facebook le 15 septembre perturbe ta ville pour abroger la loi travail. Donc il y a un appel à bloquer les lycées et à occuper des salles pour ouvrir des lieux d'organisation pour les lycéens dans chaque lycée. Donc je vais vous lire vite fait l'appel, il y en a pour 10 secondes. Dès la rentrée, nous appelons à organiser des assemblées générales pour constituer des comités d'action dans chaque lycée et chaque faculté. Dans la semaine du 12 au 16 septembre, nous appelons à occuper tous les jours une salle dans les lycées pour revendiquer un lieu d'organisation politique ou faire des réunions, des rencontres, repenser notre rapport à l'éducation et aux murs qui nous entourent. Donc le hashtag occupe ta salle, ainsi qu'à bloquer les établissements le 15 septembre pour participer à la manifestation qui aura lieu l'après-midi, donc à 14h à Bastille, et abroger la loi travail et le monde qui va avec. Donc voilà, vous pouvez retrouver ces informations sur la page Facebook le 15 septembre perturbe ta ville pour abroger la loi travail. Voilà, donc juste c'était la fin de ce dernier petit agenda, c'était la fin aussi de cette émission. Merci encore à Arnaud d'avoir été avec nous ce soir. Vous pouvez retrouver cette émission qui sera rediffusée vendredi matin de 7h à 8h30. Et sinon, on se retrouve mardi prochain de 19h à 20h30. Vous pouvez réécouter tous les podcasts sur le site internet aufondpresduradiateur.fr, donc toutes les anciennes émissions. Et voilà, on vous souhaite une bonne soirée. Merci encore d'avoir été avec nous. Dédicace à Yann, à Jean et à Antoine qui n'étaient pas là ce soir. Et bah, franchement, continuez sur FPP 106.3 FM, c'est l'émission Dooboot. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Revolutionaries, you know?